On va parler de baseball avec notre ami Frédéric Daigle. On va parler de baseball, du retour des expos, puisque son collègue Jérémy Filosa a lancé hier une nouvelle sur Twitter. Fred Daigle est quand même bien pissonné également dans le dossier. Semble-t-il que ce sera le bassin pile que les promoteurs avec Charles Brofman en tête ont choisi pour le nouveau stade. Quoi qu'il en soit, on en parle avec Frédéric Daigle. Salut Fred! Bonjour, Danny. Fred, c'est pas une surprise du tout, du tout, du tout. Là, on savait que le bassin Peel allait être l'endroit qui allait pratiquement être choisi pour le dossier du nouveau stade, si nouveau stade il y a. T'en penses quoi? C'est sûr que tu connais beaucoup plus le secteur que moi. On me dit que c'est vraiment l'endroit idéal maintenant, ce qui restait là. Ben écoute, ça va paraître bizarre, mais je connais l'endroit, mais je suis pas très familier avec Griffintown. C'est pas un secteur encore qui est très... très visité, je te dirais, par les gens qui n'habitent pas Griffintown. Mais c'est un quartier très à la mode de Montréal. C'est un quartier d'abord en plein développement parce que c'est un des rares endroits où il reste des terrains où on peut mettre des condos, des commerces, des restaurants, etc. Ouais. Alors, c'est un quartier en plein développement. Et tout le quartier, tout le secteur du bassin Peel, ben c'est le prochain là grand secteur à développer. Fait qu'à ce compte-là, et puis le nouveau train électrique, la Caisse de dépôt va passer par là. Alors, tous les gens là qui s'inquiètent là de la façon de se rendre dans un éventuel stade de baseball, là, il y en a du transport en commun. C'est pas très loin de la ligne orange de métro non plus. Ça va se marcher des stations Bonaventure ou Lucien Lallier par une belle journée d'été. Ou sinon, ben il va y avoir des autobus, des navettes. Tu sais, à vue de nez, je te dirais que c'est une marche de 15-20 minutes la station de métro Bonaventure ou Lucien Lallier. On parle de 5 minutes en taxi, mais inquiétez-vous pas, là, il va y avoir des commerces, puis des bars, puis des restaurants sur votre chemin pour vous permettre là, d'apprécier le trajet. Effectivement. Donc, c'est vraiment le meilleur. Mais il va y avoir d'autres choses aussi. Ce matin, on apprenait que Québec, parce que ça continue aujourd'hui la nouvelle, on apprenait que Charles Brofman, pas Charles, Stephen Brofman, je me suis mêlé, Stephen Brofman allait demander l'aide de Québec pour convaincre Ottawa de lui fournir probablement pour une somme symbolique d'un dollar le terrain finalement. Ce serait de la contribution. Ben ça reste à voir. Okay. En tout cas, l'inscription au registre national des lobbyistes de Stephen Brownsman et de Pierre Boivin qui a été rapportée hier par Jérémy Filosa du 98.5, ben c'est ça. Ça nous permet de voir que ces gens-là vont solliciter des rencontres auprès là de Canada Land Company, qui est la propriété, l'organisme de la couronne là, qui est propriétaire du terrain visant à Montréal. Le terrain aurait une valeur de 50 millions de dollars. Est-ce qu'on va demander de le donner? Est-ce qu'on va demander un prix d'ami? C'est évident là qu'on veut négocier. On s'est inscrit au registre des lobbyistes pour ça. Ouais, effectivement. Puis, si on joue un peu la politique, on sait que Stephen Brofman, écoute, il pouvait pas y aller de même comme ça parce que il est très très près du Parti libéral et de Justin Trudeau. C'est lui-même qui a organisé sa campagne de financement en 2015. Donc, c'est sûr que c'était peut-être la meilleure façon, je pense, sans que ça paraisse trop mal, de demander à Québec que Québec demande au fédéral de lui céder le terrain. Donc, ça va être intéressant à suivre au cours des prochaines. Et là tu es en train de travailler sur un dossier également, parce qu'aujourd'hui, la CAQ aurait même annoncé qu'il serait prêt à investir des fonds publics pour le retour des expos. Je pense que ça va... Oui, mais en fait... Ça va prendre dans le... côté de la CAQ. Oui. Ah, ben là, de toute façon, ça brasse tout le temps au Québec dès qu'on investit une scène dans ce qui n'est pas un hôpital ou une école. Là. Fait que ça, c'est pas nouveau, mais c'est drôle, la levée de bouclier là, pour le 1,3 milliard à Bombardier, il me semble, je ne l'ai pas senti tant que ça. Théo Taxi, ça, on c'est a un autre dit dossier, que... là. Ouais. Ah, Théo Taxi, c'est un fiasco complet. Mais regardez, là, est-ce que les... alors, Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la métropole, ainsi que Pierre Fitzgibbon, qui lui est député de Terrebonne, mais c'est le ministre de l'économie et de l'innovation, ainsi que ministre responsable de la région de la Naudière, ça pas rapport avec ce projet-là, là, mais lui est comme ministre de l'économie et de l'innovation, ce qu'il a dit aujourd'hui. Mm-hmm. Et là, je vais retrouver la citation exacte. Là. Si on est pour mettre 50 sous dans un projet économique, il faut que les recettes fiscales soient au moins de 50 sous. Mm-hmm. Si on reçoit moins de 50 sous, on n'embarquera pas. C'est très simpliste comme commentaire, mais toutes les interventions au ministère de l'Économie, on regarde maintenant les retours sur les investissements. et on regarde les recettes fiscales. Mm. Là, il a ajouté, par contre, dans une prise de risque accrue, ce que nous voulons faire, nous ne serons pas toujours gagnants. Je pense que sur 10 projets, il y en a 2 où nous allons sortir la balle du stade, pour utiliser une analogie de baseball, 2 qui vont mourir et 6 qui vont être corrects. J'aimerais pouvoir prétendre qu'on ne va faire que des bons coups, mais c'est impossible. Alors, ce qu'il dit, là, c'est que ils sont prêts à investir si le plan que le groupe de Montréal, dirigé par Stephen Bronfman, va leur présenter, fait du sens. Et c'est ce que Stephen Bronfman et Mitch Garber ont dit depuis le tout début. Nous ne présenterons pas un plan d'affaires qui ne fait pas de sens aux Québécois et aux Montréalais. Mm. Ces gars-là, c'est pas des caves. Ils sont conscients qu'ils partent avec 2 prises contre eux, pour continuer dans l'analogie baseball, là. S'ils demandent des fonds publics, ils vont présenter un projet qui va rapporter de l'argent si le gouvernement investit de l'argent. Et c'est ce terme-là que le ministre de l'Économie a utilisé, investissement, pas un don, pas une subvention. Il a utilisé le terme investissement. Fait que, et là, on n'a même pas parlé de montant. Fait qu'il faudra voir ce qui va se passer à ce niveau-là, mais c'est évident que et la ministre Rouleau, elle, qui est pas la ministre, je m'excuse, la députée Rouleau, qui est ministre responsable de la métropole, elle a dit on est très ouvert au projet d'une construction d'un stade de baseball. Mm. Très ouvert. C'est pas venez nous voir, on verra ce qu'on va faire. On est très ouvert. Alors, écoute. Je sais que ça chatouille les gens. C'est parce qu'il y a des gens qui... Personnellement, ça me dérange pas du tout, là. Au Québec, là, il y a aucun film, aucune émission de télé, aucun livre, aucune pièce de théâtre, aucun concert de l'Orchestre symphonique de Montréal qui ne se fait sans subvention directe du gouvernement. C'est une industrie comme les autres. Il faut que les gens s'enlèvent de la tête que c'est le salaire des joueurs que le gouvernement va payer. Ben, c'est justement le salaire des joueurs. La construction du stade, l'infrastructure, tout ce qui entoure, les rues, les lampadaires, l'électricité, le train qui va passer en dessous, ce sont des investissements. Ils vont aider une industrie qui s'appelle baseball majeur, mais donnez-y n'importe quel autre nom. C'est une aide, un investissement dans une industrie, comme il s'en fait dans plusieurs domaines au Québec. Ben, c'est pas dur à compter, Fred. 20% de l'impôt des joueurs. Mettons que l'impôt des joueurs paye 20-25% de l'impôt des joueurs. C'est une masse salariale de 200 millions. Tu sais, j'aime autant Mike Trout fasse 30 millions ici qu'il fasse en... Ben, mets-le pas à 200 millions, mets-le seulement à 100 millions. Les Expos n'auront pas une masse salariale de 200 millions. Ouais, mais... T'as 2-3 équipes qui ont ça à toi. Ouais, mais 20%, c'est 20 millions par année. Juste l'impôt des joueurs. Juste l'impôt des joueurs, c'est 20 millions par année. Là, t'as pas calculé sur 10 ans, c'est 200 millions. En TVQ, sur toutes les ventes qui vont être faites au stade, en TVQ, sur les places de stationnement, toutes les condos qui vont se bâtir autour, ça va générer des retombées économiques, ça. Alors, c'est payant. La ministre responsable de la métropole a dit, si c'est un projet qui fait du sens, si c'est un projet... comment elle dit ça? Attends, je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, là. Elle dit, si c'est un projet... Je m'excuse, là, c'est pas de la bonne radio, là, mais... si c'est un projet... Alors, ouais, je m'excuse, je ne retrouve pas Dani, là. Mais tu sais, en fait, ouais, ce qu'elle dit, là, c'est que c'est un projet, si c'est un projet qui fait du sens, puis qui fait du sens pour le quartier, puis pour la métropole, ils vont embarquer. OK. À Tampa, il ne se passe pas grand-chose encore. Hein? Robert Manfred était de passage vendredi. Par la suite, il a dit qu'il était ouvert, il n'était pas fermé à l'idée qu'un stade allait se construire sur les mêmes endroits, sauf que... le propriétaire Steinberg a dit mentionné qu'il doutait fortement qu'il allait être capable de convaincre les autres propriétaires du baseball majeur de qu'un stade bâti, un nouveau stade bâti à la même endroit qu'où est le Tropicana Field, il allait avoir de la misère à convaincre les autres propriétaires. Donc ça fait du surplace actuellement. Hein? Écoute, il n'y a rien qui bouge à Tampa. Voilà, rien qui bouge. Robert Manfred, ce qu'il a dit la semaine passée, ouais, là. C'est de la politique. On est maintenant ouvert à la construction d'un nouveau stade à Saint-Pete. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Mm. Le projet en plein centre-ville de Tampa est mort et enterré. La fenêtre d'opportunité pour Stuart Sternberg pour regarder pour un nouveau stade dans la région de Tampa, c'est terminé. Il est maintenant lié par un bail à Saint-Pete. St. Pete veut pas attendre après les Rays pendant 7 ans pour savoir comment développer le quartier. Puis Sternberg veut pas rester là. Alors, tout le monde là dit ce qu'ils doivent dire en public pour ménager un peu tout le monde, mais c'est évident que Sternberg se cherche un autre endroit. C'est évident que le baseball majeur a hâte que ce dossier-là se règle parce que Manfred est tanné de devoir parler des Rays de Tampa à chaque fois qu'il fait une sortie publique. Oui, effectivement. Et en septembre, si le dossier continue à progresser cet été, parce que je pense que là, on en voit davantage, là, puis l'annonce de la CAQ aujourd'hui, c'est rien pour nuire, pas du tout, là. Si on arrive au mois de juin, puis il n'y a rien qui se passe, j'ai l'impression que c'est pas impossible 2020 encore, hein? Moi, là, j'ai jamais démissionné sur 2020. Ouais. Moi, je pense toujours que le timeline des Rays ressemble étrangement à celui des Expos en 2004. La seule différence, c'est que les Rays ont un propriétaire, les Expos en avaient pas à l'époque. Mais la situation des Rays est tout aussi glauque et sombre que celle des Expos l'était en 2004. Les assistances sont presque au même niveau. Et les Rays, là, ils vont avoir une maudite belle équipe sur le terrain cette année. J'ai hâte de voir si les gens vont se déplacer pour aller les voir parce qu'ils vont chauffer les Red Sox et les Yankees aux autres cette année. Et effectivement, puis le dossier, parce que beaucoup de monde disait, dont un animateur de Québec était content de nous dire que le contrat de télévision était très payant, il était un des payants, mais il a été revu à la baisse. Il a été revu à la baisse compte tenu du fait que les Rays, il y a une année très incertaine, là. Ah, mais Sternberg est pas là pour un contrat de TV. Ouais. Il est là parce qu'il veut créer une atmosphère. Il veut que ce soit une place pour le fun d'aller voir le baseball. Mm. C'est plus le fun à Saint-Pete d'aller voir du baseball. Ouais. Alors, contrat de TV, un contrat de TV, là, s'il n'y a plus d'équipe, le contrat de TV, il n'existe plus. Là, il n'y a personne qui va perdre une scène là-dedans. Là. Ouais. Puis les Rays qui vont s'en venir ici à Montréal, si c'est le cas, ben, que tu pas que Bell Media avec RDS, TSN, peut-être même CTV, ils vont avoir un contrat de TV intéressant. Là. Il reste les droits territoriaux. Bell Media a besoin de contenu en plein été pour TSN qui a 5 chaînes. Ouais. RDS en a 3 si tu comptes RDS Info. Ouais. C'est un besoin criant pour eux autres pour arrêter de présenter des reprises en plein mois d'août du championnat mondial de hockey junior puis des grands prix de curling qu'ils ont eu tout l'hiver. Oui, effectivement. Fred, on s'en parle, je suis sur le dossier de très, très, très près bientôt. J'ai l'impression que ça va continuer à faire parler beaucoup d'encre. Demain, j'ai l'impression qu'il va y avoir des papiers de certains chroniqueurs qui vont commencer à parler des hôpitaux puis de la santé puis de l'éducation. Fait que j'ai laissez-vous pas berner par les histoires de Bonhomme Sapeur. Là, ça ressort à tous les fois. Ouais. Les hôpitaux puis les écoles, ça n'a pas rapport avec une équipe professionnelle au Québec, que ce soit les Nordiques, que ce soit les Expos, que ce soit l'arrivée de la NBA, que ce soit l'arrivée d'une équipe de Red Bull Crash Test ou de n'importe quoi. Ouais. Ça n'a pas rapport. La seule affaire que ça peut faire, c'est aider au système d'éducation et au système de la santé parce que ça va ramener des taxes et des revenus d'impôts supplémentaires dans les poches du Québec. Inquiétez-vous pas, là. Depuis que les Nordiques sont partis en 95, depuis que les Expos sont partis en 2004, ce sont des centaines de millions de revenus d'impôts et de taxes de vente que le Québec a perdu parce que ça générait des centaines de millions en retour sur l'économie de la province. Et le système de santé va pas mieux depuis que les Nordiques et les Expos sont partis. Le système d'éducation ne va pas mieux depuis que les Nordiques et les Expos sont partis. L'argent, cet argent-là arrive pas du ciel. Ce sont des impôts et des revenus de taxes de vente qui viennent directement de l'activité économique générée par ces équipes professionnelles-là. Effectivement. Ça n'a aucun rapport. OK. Fred, on s'en parle bientôt. Absolument.